Parce qu'entre le lit et lui, il y avait l'armoire. Ah, bah discutez pas sur les broutilles du pied du lit. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les experts disent autre chose. Bah je me suis peut-être avancé d'un pas ou deux. C'est pas possible. Pourquoi? À cause de l'endroit où vous avez été trouvé. Et qu'est-ce qu'il a à cet endroit-là? Si vous aviez tué et fait quelques pas en avant pour tirer, il vous aurait fallu en faire quelques autres en arrière pour tomber là où on vous a trouvé. Bah je vous ai peut-être fait machinalement, hein. Machinalement? Bah oui. Oh, je vais essayer de l'admettre un instant. Bah, il le faut bien, monsieur Jules, c'est indispensable. Oui, c'est surtout pour vous faire plaisir. Alors donc, vous le tenez du lit, du pied du lit, et quelques pas du lit, bon, avec quoi? Ah bah alors là, on voit une question idiote. Bah non, pas tellement. Bah qui c'est qui avait le revolver, hein? Quel revolver? Quel revolver? Mais vous en avez de bonnes, vous. Il sortait d'où, ce revolver? Comment ça, d'où il sortait? Il a été établi que ce revolver était celui qu'on se conservait d'ordinaire dans la boîte à gants de la Cadilla. Bon, vous l'avez pris au garage? Probable. Bon, alors vous l'avez rangé où? Ah bah non, je l'avais pas rangé. Ah, vous l'avez laissé traîner sur la table, ça a bien envie de Miguel. Ah bah non, je l'avais caché. Bon, alors caché où? Pas dans votre robe de chambre, en tout cas, vous étiez nus. On le saura. Bon, bah alors caché où? Sous le traversin, peut-être? Ah bah non, parce qu'en mémoire, il aurait pu se blesser. Oh, vous aviez pensé à ça? C'est rudement gentil. Pas du manque, hein. Bah oui, c'est que je l'aimais beaucoup, Miguel. Oui, certainement, oui. Bon, alors caché où? Où? Vous n'avez absolument aucune idée, bien sûr. Eh ben si, naturellement, si, dans le tiroir. Quel tiroir? Bah quel tiroir? Celui de la commode. Vous faites des choses vraiment difficiles, dites donc. Ah, parce que c'est difficile de prendre un revolver dans un tiroir. Quand on est couché et qu'il faut courir à l'autre bout de la pièce, revenir à quelques pas du lit, ajuster, tirer, tout ça dans l'obscurité la plus complète, ouais, c'est difficile, ouais. Bah vous y mettez de la mauvaise volonté. Oui, bah vous me faites perdre notre temps. Je vous ai déjà dit que la justice coûte cher. C'est pour ça qu'on l'économise, hein. Bon. Josépha Lampenay, pour la dernière fois, avez-vous tué Miguel Ostos? Vous faisiez pas tant d'histoires le premier jour, oui, hein. Bah, la question n'est pas. Bah si, elle n'est que là, vous ne me croyez ni quand je mens, ni quand je ne mens pas. Marie, je le trouve gentil, hein, très touchante. Parce que je vous dis que j'ai tué Miguel? Mais non, mais parce que vous vous obstinez à me le dire, à essayer de me le faire croire, tout simplement, voilà. Ah mais c'est curieux, vous êtes très obstiné, vous, hein. Ouais, personne ne vous croit, hein, désolé. Voilà, vous la croyez? Ah non, à vous cacher, je vous crois pas non plus. Exactement, voilà, c'est ce que je dis. Personne ne vous croit. C'est-à-dire que vous nous séduisez sans nous convaincre. Bah, vous êtes tout de même rigolo, là, tous les deux. Quel intérêt, genre, à me faire foutre au moins 2 ans de prison? Bah, l'intérêt de M. Beauvert. Ah, et vous l'avez entendu, là, cet après-midi? Et vous me croyez capable de me sacrifier après l'avoir entendu cet après-midi? Oh, bah, vous savez, aujourd'hui, les femmes sont capables de tout. Merci. Bon bah, en tous les cas, moi, vous voulez pas me croire. Tant pis pour vous, mais Miguel, vous êtes bien obligé de croire, Miguel. Ah bah oui, en général, on croit les victimes, oui. Et bah alors, quand il a dit Josépha, pourquoi as-tu fait ça, vous le croyez? Et justement, il ne l'a pas dit. Bah, oui, M. Beauvert l'a entendu. Et que justement, il ne l'a pas entendu. Mais pourquoi qu'il aurait répété ça? Parce que Mme Beauvert lui a dit qu'elle l'avait entendu. Ah, madame. Vous vous souvenez quand M. Beauvert a pris son infortune? Ah oui, alors là j'étais bien vengé, hein. Bon, alors je vous ai fait sortir. Bah oui, c'était vachement, j'espérais, mais c'est parti de rigolade pour une fois. Oui, et bah à ce moment-là, votre patron nous a appris que sa femme était entrée la première dans la chambre. Madame? Mais ça change tout. Parce que madame, on n'est pas obligé de la croire. Ah oui, ça c'est mon ami, oui. Je vais même vous dire une chose, moi en principe je la crois jamais, elle ment comme un coiffeur. Ah, on partage votre impression, ouais. Eh mais alors, mais si c'est pas moi et que c'est pas lui? Ma foi! Eh, hey, mais vous, mais je vous retiens, mais vous pouviez pas me le dire, moi qui me crevais à vous mentir. Vous croyez que ça m'amusait, moi, de vous dire que j'ai tué Miguel, ma vieille castagnette chérie, comme je l'appelais, mais moi j'ai fait ça pour sauver l'autre imbécile, là! Eh, hey, mais on n'a pas idée, on prévient quand on change de coupable, on prévient! Je suis désolé, hein. Eh, hey, mais moi je retire tout, hein, comme si j'avais rien dit, hein. Ouais, ouais, c'est le premier, ouais. Faut la punir, elle, qu'elle crève. Ah non, non. La roquette pour elle, avec Julie Lachataigne, la Mimi Markeman, mes deux camarades de pension. Ouais, bah ça nous verrons. Hey, mais attendez, sacré Miguel, il couchait avec elle? Ah non, il n'y a pas. Ah non, c'est pas parce qu'elle était jalouse de moi? Non. Bah là, vous recommencez, vous le faites exprès. Elle croyait tirer sur son mari. Ah oui, j'y suis, elle avait entendu qu'il me donnait rendez-vous à 11h justement. Ah! Hey, mais Benjamin a raison, c'est une garce. Ah, le mot est vif, enfin, correspond approximativement au fait, oui. Hey, mais je suis trop contente, alors Miguel, il a jamais dit Josépha, pourquoi tu fais ça? Ah bah non, probablement pas. Ah bah, si c'est elle qui l'a dit, c'est que c'est pas vrai et elle a sans doute inventé ce truc-là, non? Oui, ah oui, mais... Vous vous rendez compte, elle savait la peine que ça me ferait. Bah, les ennuis, surtout. Les ennuis, non! Le chagrin terrible que ça me ferait, elle a osé inventer une chose pareille. Oui, c'est vrai, c'est une chose assez odieuse, oui. Odieux? Mais je vous trouve mou. Toujours le grand amour, jamais la petite chose amusante. m'aimait trop. Voilà le malheur. Et ben, comme il m'aimait, il me respectait. Et comme il me respectait, bah moi, au grand moment, je n'osais pas me laisser aller. Pour bien faire l'amour, le respect, ça dérange, n'est-ce pas? Je sais pas, j'ai pas de... J'ai pas de... Pompris. Oh, comme vous, là. Oh, pardon. Eh, mais monsieur le juge, interrogez-moi parce que je suis sûre que je sais la chose. Quelle chose? Mais trouver des trucs de femmes, je sais pas, réfléchissez, des trucs de femmes. Des trucs de femmes, voyons, des trucs de femmes, des trucs de... Oui, il y a bien un truc de femme, une contradiction, en fait, au sujet de sa robe. Eh ben voilà, un truc de femme, continuez, c'est bon, ça. Au départ, pour sortir, le soir du crime, vous avez d'abord demandé son ensemble gris. Oui, celui de la veille. Simplement, son mari et les inspecteurs ont trouvé vêtu d'une robe rouge. Oh là là, mais hey, je la tiens, enfin nous la tenons. Ils la tiennent? Oui, elle est foutue, foutue. Faites l'entrée, laissez-moi dans un petit coin, donnez-lui le temps, d'épater la galerie, placez quelques banderilles, et alors moi, Miguel, j'arrive pour l'estocade. Elle est superbe, hein? Oui, bah, faites entrer, madame Robert. Merci. Madame Borbert. Veuillez vous asseoir, madame. Tiens, Joseph. Bonjour madame. Est-ce que ma femme de chambre doit assister à mon interrogatoire? La télé, ne soyez pas trop dur avec elle, c'est une fille, mais c'est une bonne. Merci madame. Veuillez vous asseoir madame. Vous pourriez peut-être demander à vos gardes d'essayer une autre cuisine que la provençale, qui était positivement cernée par des bouillabaisse. Oui, on leur dira. Veuillez vous asseoir madame. En outre, j'ai été cruellement mordue par une puce. C'est surprenant, étant donné les habitudes de votre cabinet. On leur dira aussi. Veuillez vous asseoir madame, s'il vous plaît. C'est plus un interrogatoire en fait, c'est une confrontation. Maintenant, mon mari et moi, nous suffisons. En somme, oui. Les hommes sont d'une vanité délirante. Il s'est cru trompé, il s'est vengé comme il a pu. Avait-il tort de se croire trompé? Il avait plus grand tort. Mais pourtant, le baiser qu'a vu mademoiselle. Mademoiselle, à ma vue. Eh, vous aviez votre ensemble du soir gris et cet homme-là, vous l'embrassiez jusqu'au cœur. Qui est juge d'instruction ici, elle ou vous? Eh, je suis désolé, Charlotte, en ce moment, je me confonds. Donc, mademoiselle, qu'est-ce qu'elle sait? Je te crois savoir. Monsieur le juge, posez-moi des questions. Lesquelles? Bah, vous voyez, là, madame est d'accord. Demandez-moi par exemple quelle raison elle avait de vouloir tuer son mari. Moi, je vous demande aussi. Eh ben, elle avait le mot baiser. C'est d'azergue. Ah, mais oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Moi, j'aurais pas entendu. C'est une accusation stupide. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, là? Monsieur Stammer, elle a parlé de la grande passion de monsieur d'azergue pour madame et de madame pour monsieur d'azergue. Et même, ce n'est pas une raison suffisante. On ne tue pas toujours son mari parce qu'on a un amant. Non. Eh, mais il y a une raison. Monsieur d'azergue, il est très pauvre et il a grand besoin de l'argent de madame. Voilà du nouveau. Bah, vous jouez au poker? Oui, vraiment. Bah, assez, j'espère, pour savoir que 4 rois, c'est plus fort que 3 as. Un 4 rois, je pense bien. Là, vous m'empêchez de réfléchir, hein. Il m'empêche de réfléchir. On avance? Oui, bah, l'autre jour, on était à la maison, enfin, rue de la Faisanderie, on jouait au poker, il y avait un pot de 100 000 francs. Monsieur d'Azergue annonce 3 as, madame dit tant pis, et jette ses cartes. Elle avait 4 rois. De toute façon, comme une autre, de lui faire gagner d'argent. Comment c'est? Bah, j'étais derrière elle, je savais les scotch. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Comme votre Josepha, pourquoi tu fais ça? Non, non, madame, là, j'ai un témoin, monsieur Stormer. Il avait vu le coup, il allait voir votre mari, lui a dit ta femme c'est pas jouer au poker, à faire des fortunes. Je dois avouer que je suis malheureuse au jeu. Surtout contre monsieur d'Azergue. Donc vous comprenez bien que monsieur Beaurevert, mort, monsieur d'Azergue peut épouser l'enfant de madame. Vous me croyez incapable de plaire? Ah non, non, je dis pas ça, hein, je dis juste que les millions, ça aide. Et si vous êtes si sûr de la grande passion de monsieur d'Azergue pour madame, comment allez-vous pu croire que c'était son mari qui a pensé la du crime? Excellente question, merci monsieur le juge. Mais moi je savais pas et la jalousie ça rend aveugle. Et puis monsieur d'Azergue, il boite un peu. À la suite d'une descente en parachute. Eh bien ce soir-là, il boitait pas, il embrassait madame. C'est tout de même très rare qu'on ait besoin de boiter pour embrasser une femme, non? Vous niez ce baiser naturellement? Bien entendu. Jusqu'au cœur, je vous dis qu'elle l'embrassait. Ma parole contre la sienne. Madame Nye, trouvez autre chose. Eh bien c'est parce qu'il m'embarrasse. Demandez-lui donc pourquoi elle a mis sa robe rouge le soir du crime. Parce qu'elle me va bien. Alors demandez-le moi à moi. Oui, bah demandez-le lui, puisqu'aussi bien c'est elle qui mène l'enquête. Parce que c'était une robe longue et qu'elle était tachée de cambouis. De cambouis? Mais oui, j'avais pas fait le rapprochement là, ça m'est venu tout à l'heure grâce à l'histoire du revolver que tout le monde pouvait prendre au garage. Cette supposition est infâme. Miguel me l'avait dit, il y avait une fuite au carter de la Cadillac. Alors pendant que madame prenait le revolver, le bas de sa robe traînait dans le cambouis. Voilà pourquoi le lendemain m'a demandé sa robe rouge. Elle est à tuer. Ah, moi aussi. Pouvez-vous répondre à cette accusation, madame? Lacoste ou Bargeton pourront répondre. Teinturier Lacoste et Bargeton, 56 avenue Victor Hugo, Deuil en 24 heures. Laissez parler. Vous diront si c'est du cambouis. C'est en effet du cambouis. Je suis allée ce soir-là dans le garage. J'ai même fouillé dans la boîte à gants de la voiture, mais je n'ai pas pris le revolver, non. J'ai récupéré une paire de gants que j'avais oubliées. Pour moi, une boîte à gants sert surtout à y mettre des gants. Enfin, vous n'auriez pas besoin de prendre le revolver. Parfaitement, s'il y avait été. Ah, il n'y était plus. Subtilisé par les soins de mon mari ou de cette fille. Et vous n'avez pas fait remarquer à le revolver que le revolver est disparu? Non. Tiens, pourquoi? Je ne sais pas. Vous aviez les clés de toutes les chambres de votre hôtel, naturellement? Pas du tout. Ah, vous n'avez pas la clé de la chambre de mademoiselle? Mon mari, probablement, moi pas. Et attendez! Nous attendons. Bah, il y a 15 jours à peu près, la Marthe Herbeau, la cuisinière, elle avait oublié sa clé dans sa chambre, elle parlait de faire venir un serrurier. Madame a dit, c'est pas la peine, elle a ouvert avec un passe. Lequel aurait certainement pu ouvrir la chambre de mademoiselle? Je ne sais pas, je n'ai pas eu à m'en servir. Sauf le sort du crime. Ouais, taisez-vous, ce sera facile de vérifier. Ah! Depuis une semaine. Ça, j'aurais parié. Très fâcheux. Très fâcheux, en effet. Mais mon mari avait la clé. Ah non, non, non. Et je vous ai juré que non, le premier jour, quand ça n'avait aucune importance. Mais sa parole contre la vôtre, pas plus. Mais c'est elle que vous croyez. Oh, la question n'est pas là. De quoi m'accusez-vous exactement? Mais de rien encore, madame. Je constate que vous êtes allée au garage, que vous n'aviez pas y chercher des gants, que vous n'avez pas parlé de la disparition du revolver à votre mari, et que vous aviez les moyens d'ouvrir la porte de la chambre du crime ce soir-là. Je m'engagerais à penser que vous êtes arrivé avant votre mari dans la chambre. Malheureuse série de coïncidences. Maintenant, madame, je vous prie de prendre garde à la question que je vais vous poser. Elle est pour vous d'une importance capitale. Vous me parlez comme une coupable. Je n'ai qu'à répondre la vérité. Oui, mais malheureusement, une série de coïncidences vous en a empêché jusqu'ici. Alors, je vous recommande la franchise. Notez-moi ça. Bah, j'ai tout noté, monsieur le juge. Vous êtes arrivé dans la chambre après votre mari. Oui. Et qu'avez-vous vu? Dans le détail, hein, s'il vous plaît. J'ai vu le corps de Miguel Austin dans la chambre et mon mari, revolver en main, penché sur Josepha, toute nue. Il se dandinait comme une bête traquée, il était livide, hagard, il avait les yeux exorbités, de temps à autre il passait sa main tremblante sur son front ruisselant de sueur. J'ai eu pitié de lui. Je me suis rappelé que je l'avais aimé. Merci, très bien. Le récit concorde parfaitement avec celui que vous nous avez fait précédemment. Je dis la vérité, alors nécessairement, je ne risque pas de me tromper. Vous avez trouvé la clé sur la chambre, sur la porte? Oui. Oui. Et la lumière était allumée? Oui. Oui. Ben, pour constater que votre mari était livide, que de la sueur coulait sur son front et qu'il tremblait en se dandinant, vous savez que la lumière était allumée. Elle l'était. Alors, comment se fait-il, madame, que nous n'ayons pas trouvé les empreintes de votre mari sur l'interrupteur? Eh bien, une réponse à me faire, madame, qui vous aurait une heure de cause. Il vous suffisait de me dire, parce que je l'ai essuyé avec mes gants pour sauver mon mari, et comme j'ai par la suite essuyé le revolver. Si vous aviez effacé ces empreintes, madame, vous en rappelleriez, simplement vous ne l'avez pas fait, vous me dites. Je ne sais pas. Il était pas temps, hein. Non, oui. Croyez bien que je suis désolé, madame. Madame est servie. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous raconter votre crime. Vous aviez le passe-partout, le revolver, vous êtes entré dans la... Elle y était, elle! Et Austin l'a accusé, c'est elle qui a tué! Oui, elle me l'a dit, en effet. Elle vous l'a dit? Quand elle croyait votre mari coupable encore. Oui, je n'ai pas eu de difficulté à lui prouver qu'elle n'aurait pas pu, même si elle avait eu le revolver. Oui, ça c'est vrai, elle l'a prouvé, j'aurais pas pu. Mais le mobile, alors je n'ai pas de mobile, je n'avais qu'à divorcer. Il y a la haine! La haine dont vous n'avez cessé de donner des preuves. Divorcer ne suffit pas toujours. Vous haïssiez tellement votre mari. Même le substitut en a été frappé, que vous vouliez le voir disparaître. Je ne parle de mémoire que des confidences que vous avez faites à Madame Marthe Herbeau. Il me prend mon argent et il me ridiculise avec ma femme de chambre, chez moi, dans ma maison. Oh, je le hais, je le hais. Je crois que je le tuerai. On dit ça, ce ne sont pas des preuves. C'est vrai, mais je vous conseille d'avouer. Jamais! Alors ça, jamais. Voyons. Si vous avouez, vous pouvez espérer la sympathie des jurés, un drame passionnel, même s'il y a erreur sur la personne. Et puis, vous avez des circonstances atténuantes. Réfléchissez, madame. Là, elle réfléchit. Vous m'arrêtez? Une décision va être prise dans votre cas, mais je vous conseille d'avouer. Veuillez entrer dans cette pièce, s'il vous plaît. J'y serai très bien pour réfléchir. Presque. Chez moi restant, je vais apporter ce papier au procureur. Je pense qu'il ne fera pas opposition à ma décision. Et ensuite, vous serez ramené à la requête. Il sera procédé à la levée des coups. Ouais, bah moi j'ai comme l'impression que le parquet va nous faire des difficultés. Hein. Mmh. Bon. Bah, bravo monsieur le juge, hein, vous faites bien la justice. Oui, merci. Oui. Et madame Emmaline, seulement là elle est tombée sur quelqu'un qui parlait. Vous vous rendez compte, moi pour ma première place, j'étais vraiment drôlement bien tombée. Et monsieur, qu'est-ce qui va me faire le certificat? Vous avez peur de rester seule avec moi? Bah non, pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes libre? Je sais pas trop. D'un côté, je suis veuve et de l'autre, abandonnée. Ouais, effectivement, oui. Et pas abandonnée, hein. Plaquée, plaquée seulement. Oh, vous allez vous chercher une nouvelle place, non? Ah non, non, merci, moi ça m'a trop bien réussi, je crois que je vais faire du strip. Quoi? Oui, du striptease. Eh, à la roquette aussi, on trouve du je ne sais quoi. Bah, c'est pas une raison suffisante, hein. Eh, on dit 20 000 francs par semaine et on se déshabille que 6 fois par jour. Dommage, attendez, vous voyez mieux ça, bon. Mon père disait que le prix d'une chose correspond pas toujours à sa valeur. Bah, il avait raison, faut croire. Ouais, faut croire, ouais. Monsieur le juge? Ça vous dirait rien avec moi? Quoi? Bah, je sais bien que sans vous, je me serais jamais tiré d'affaire, il me semble que c'est la moindre des choses. Vous et moi? Oui, c'est de bon cœur, hein. Merci, c'est très gentil, merci. Bah attendez, je sais bien que j'ai rien d'épatant, donc c'est pas l'aumône que je vous fais, c'est tout ce que j'ai. Non, non, mais je suis très touché, mais vraiment, mais... Enfin, merci. Tant pis. Il y a 2 ans. Avant mon mariage. Oh, j'ai pas fait de bêtises avec vous, mais j'aurais arrêté. Vous savez parler aux femmes, en fait? Je sais pas, j'ai pas de... Là non plus, j'ai pas le repère de... J'ai pas le repère de... Je suis un petit peu, mais pas mal. Oh, allez, essayez donc de rendre heureux un brave garçon. Quoi? Mais les braves garçons, mais moi je leur porte malheur, vous voyez Miguel? Je crois que je suis faite pour les casseurs d'assiettes, les bons à rien ou les pas grand chose. Voilà le papier. Ah. Vous allez ramener mademoiselle à son avocat, et ensuite, vous la ramènerez à la requête. Bien, monsieur le juge. Moi, je vais aller recueillir les aveux de madame Beaurevert. Vous croyez vraiment que... Ouais, je suis sûr, la conclusion est très forte. Bah, bonne chance. Bonne chance aussi. J'ai entendu que vous étiez femme de chambre. Ah oui, je l'étais, on s'en va. Ouais. Mais vous savez faire la cuisine. Ah, moi, le ménage, la cuisine, ça j'adore, mais vous me croirez, si vous voulez, j'aime pas couper. Ah. Alors, comme ça, je vous empêche de réfléchir. Oui. Bah, tout à l'heure, là, vous avez dit que je vous empêchais de réfléchir. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ah, y a pas à dire, c'est flatteur. Que vous avez à me regarder bêtement là en s'en va, alors comme ça, notre corps n'en fait qu'à sa tête. Vous croyez tout permis, vous? Non, mais non. Vous savez quoi, moi, je suis tout à fait le genre qu'il vous faut. Je suis pas pour le grand amour, moi. Je suis plutôt pour la petite chose amusante. Vous aimerez pas trop. Et puis, si vous saviez à quoi je pense en ce moment, vous appelleriez police secours. Est-il bête? Mais non, je m'appelle Julien. On devrait sortir ensemble, hein, c'est dimanche. Pourquoi pas?